Le tourbillon de neige par Alexandre Pouchkine. Vers la fin de l'année 1814, cette année si mémorable dans l'histoire russe, vivait auprès de Nena Radovo, un brave seigneur dont l'hospitalité était renommée dans tous les environs. Chaque jour, ses voisins venaient chez lui, ceux-ci pour boire et manger, ceux-là pour jouer au boston avec sa femme et d'autres, en plus grand nombre, pour voir sa fille Marie, dont on aimait la figure pâle et mélancolique et la taille élancée. Elle avait alors 17 ans. On savait qu'elle posséderait un jour de riches domaines, et plusieurs gentilshommes pensaient à elle pour leur fils. Marie avait lu une quantité de romans français et, par suite de ses lectures, s'était très promptement éprise d'un rêve d'amour. Elle avait prêté l'oreille aux paroles galantes d'un pauvre enseigne qui était venu passer quelques jours de congé dans sa famille. Il va sans dire qu'il était lui-même très amoureux de Marie, et les parents de la jeune fille, remarquant cette inclination mutuelle, traitèrent l'officier plus mal qu'on ne traite un fonctionnaire en disgrâce, et défendirent à Marie de jamais songer à l'épouser. Cependant, les deux amants s'écrivaient, et se donnaient de mystérieux rendez-vous dans la forêt de sapins et près d'une chapelle en ruine. Là, tout en accusant la rigueur du destin, ils se juraient un éternel amour et formaient toutes sortes de projets. Leurs lettres, leurs entretiens, les conduisirent enfin à une résolution décisive. « Comme nous ne pouvons vivre l'un sans l'autre, se dirent-ils, et qu'une volonté cruelle entrave notre bonheur, il faut que nous surmontions nous-mêmes les obstacles qu'on nous oppose. » Ce fut le jeune officier qui le premier exprima cette idée, et Marie, avec son imagination romanesque, l'accepta immédiatement. On était à l'entrée de l'hiver. Les rendez-vous ne pouvaient plus avoir lieu. Mais la correspondance n'en devint que plus active. Dans chaque lettre, Vladimir conjurait sa bien-aimée de s'abandonner à lui, de se marier secrètement avec lui. Tous deux passeraient quelque temps dans la retraite, puis ils viendraient se jeter aux pieds des parents de Marie, qui, touchés sans doute d'une telle constance, diraient aux jeunes époux « Enfants, nous vous pardonnons, venez dans nos bras ». Tout en accueillant ce projet, Marie hésitait cependant à le mettre à exécution. Plusieurs plans de fuite lui furent proposés. Enfin, elle en accepta un. Certains jours, elle devait prétexter un mal de tête et se retirer dans son appartement à l'heure du souper. Sa femme de chambre était dans le complot. Toutes deux devaient descendre par un escalier dérobé dans le jardin, à la porte duquel elle trouverait un traîneau qui les conduirait à 5 verstes de là, à l'église de Jadrino, où Vladimir les attendrait. Toute la nuit qui précéda ce jour décisif, Marie fut sur pied. Elle prépara son bagage, ses vêtements, ses bijoux. Puis elle écrivit une longue lettre à une de ses amies et une autre à ses parents. Elle leur disait adieu dans les termes les plus expressifs, rejetait sur la violence de sa passion la démarche qu'elle allait faire, et terminait en les assurant que l'instant où elle pourrait venir se jeter à leurs pieds et obtenir leur pardon serait le plus heureux moment de sa vie. Après avoir scellé ces deux lettres avec un cachet représentant deux cœurs enflammés, et portant une inscription analogue aux circonstances, elle se jeta sur son lit et s'endormit. Bientôt, elle se réveilla effrayée par des rêves affreux. Il lui sembla qu'au moment où elle allait partir pour l'église, son père l'enlevait d'une main courroucée et la précipitait dans un ténébreux abîme. Puis elle voyait devant elle son fiancé, pâle et ensanglanté, qui, d'une voix mourante, la conjurait de s'unir au plus tôt à lui. Le matin, elle se leva plus pâle que de coutume et avec un véritable mal de tête. Ses parents l'interrogèrent avec une tendre sollicitude, et leurs questions affectueuses lui déchiraient le cœur. Elle essaya de les tranquilliser, de paraître gaie, et ne put y parvenir. Le soir, elle se sentit l'âme cruellement oppressée, en songeant que c'était là le dernier jour qu'elle devait passer sous le toit paternel, et elle dit adieu en silence, avec douleur, à tout ce qui l'entourait. Lorsqu'on servit le souper, elle annonça d'une voix tremblante qu'elle était forcée de se retirer et souhaita le bonsoir à ses parents. Ils l'embrassèrent en lui donnant, comme de coutume, leur bénédiction. Elle était prête à fondre en larmes et lorsqu'elle rentra dans son appartement, elle se jeta sur un siège et pleura longtemps. Sa femme de chambre la pria de se calmer, de reprendre courage. Tout était prêt. Une demi-heure plus tard, Marie devait quitter la demeure de son père et dire adieu à sa paisible vie de jeune fille. Dans un moment, un tourbillon de neige s'éleva. Le vent gémissait et faisait trembler les portes et les fenêtres. C'était pour elle comme un présage sinistre. Bientôt, tout reposa dans la maison. Marie s'enveloppa dans une pelisse, prit sa cassette de bijoux et descendit l'escalier suivi de sa femme de chambre qui portait une partie de son trousseau. Le tourbillon ne s'apaisait point. Le vent soufflait avec violence comme s'il voulait arrêter la jeune fille coupable. Elle parvint avec peine à l'extrémité du jardin. Le traîneau était là. Les chevaux, saisis par le froid, piétinaient avec impatience et le cocher de Vladimir s'efforçait de les contenir. Il aida Marie, la femme de chambre, à monter en voiture, puis il saisit les rênes et partit. Laissons-le continuer sa course et voyons ce que devient le jeune enseigne. Vladimir avait été en course tout le jour, d'abord chez le prêtre, pour convenir avec lui de la cérémonie du mariage, puis chez des voisins, pour les amener à l'église comme témoins. Le premier auquel il s'adressa était un cornette, retiré du service, qui accepta avec joie la proposition qui lui fut faite, disant qu'elle lui rappelait ses folies de jeune homme. Il engagea Vladimir à dîner et promit de lui procurer deux autres témoins. En effet, dans l'après-midi, arrivèrent un sous-officier et un jeune homme qui étaient entrés récemment dans un régiment de Uhlans. Tous deux déclarèrent qu'ils étaient prêts non seulement à servir de témoins à Vladimir, mais même à exposer leur vie pour le seconder dans son entreprise. Vladimir les embrassa et retourna chez lui pour faire ses derniers préparatifs. Après avoir envoyé son fidèle Michel avec son traîneau à la porte du jardin de sa bien-aimée, il prit pour lui un traîneau plus léger, attelé d'un seul cheval, et se dirigea vers Giadrino, où quelques heures après, Marie devait se rendre. Il connaissait le chemin et comptait le faire en 20 minutes. À peine était-il en pleine campagne que l'orage éclata et que le tourbillon de neige obscurcit ses regards. En un instant, la route fut couverte de neige, l'horizon enveloppé d'un voile sombre à travers lequel on ne distinguait plus ni ciel ni terre. Vladimir s'aperçut qu'il s'était écarté du chemin et chercha à y revenir, mais son cheval tombait d'un ravin dans un autre et à tout moment le traîneau était renversé. Le jeune officier était en marche depuis plus d'une demi-heure et n'avait pas encore atteint la forêt de Giadrino. Il continua sa route à travers un champ coupé par de profondes crevasses. Le tourbillon était toujours aussi violent, le ciel aussi sombre, et le cheval commençait à être très fatigué. Vladimir reconnut qu'il avait encore pris une fausse direction. Il s'arrêta, réfléchit, chercha à recueillir ses souvenirs et enfin se dit qu'il devait tourner à droite. Il s'en alla ainsi pendant une heure encore, sans apercevoir une seule habitation, tombant sans cesse d'ornière en ornière, culbutant, se relevant, et cherchant à ranimer l'ardeur de son cheval, qui pouvait à peine marcher. Enfin il aperçut à quelque distance une ligne noire, se dirigea de ce côté, et vit une forêt. « Dieu soit loué, » dit-il, « à présent je ne suis pas éloigné du but de ma course. » Et il s'avança le long du bois, espérant retrouver son vrai chemin. Bientôt, en effet, il atteignit une route où le vent, arrêté par les arbres, cessait de mugir. Cette route était large et unie. Le cheval reprit courage, et Vladimir, en proie à une violente sollicitude, se tranquillisa. Mais il allait toujours en avant et ne voyait point de village. Il ne pouvait atteindre la fin de cette forêt. Alors il vit avec effroi qu'il se trouvait dans un lieu qui lui était totalement inconnu. Le désespoir le saisit, il frappa avec fureur son cheval, qui, faisant un dernier effort, se mit à galoper, et bientôt reprit un pas pénible, car il était hors d'état d'aller plus vite. Quelques instants après, Vladimir sortit de cette longue forêt. Mais il eut beau regarder de côté et d'autre, il ne vit pas le village de Giadrino. Il était déjà près de minuit, des larmes coulèrent de ses yeux. Il continua sa route sans savoir où il allait. Cependant, l'orage commençait à s'apaiser, les nuages se dissipèrent, le ciel s'éclaircit, et le jeune enseigne vit une large plaine couverte de neige au milieu de laquelle s'élevait un misérable hameau composé de 4 à 5 cabanes. Il se dirigea vers celle qui était le plus près de lui et frappa à la fenêtre. Quelques minutes après, un vieillard lui apparut avec sa barbe blanche et lui dit « Que veux-tu »« Suis-je encore loin de Giadrino ?»« De Giadrino ?»« Oui, oui, est-ce loin d'ici ?»« Pas très loin, environ 10 verstes. » À ces mots, Vladimir fit un geste de désespoir et resta immobile comme un homme frappé par la foudre. « Et d'où viens-tu donc ?» reprit le vieillard. Sans répondre à cette question, Vladimir lui demanda s'il ne pourrait pas lui procurer des chevaux pour aller à Giadrino. « Où veux-tu que j'en prenne ?» dit ce paysan. « Mais, » reprit Vladimir, « Pourrais-tu au moins me donner un guide? Je le paierai généreusement. » Attends, dit le vieillard, je vais t'envoyer mon fils. Tu t'entendras avec lui. » Et il disparut. Quelques minutes après, Vladimir frappa de nouveau à la fenêtre. « Que veux-tu encore ?» dit le vieillard. « Ton fils ne viendra-t-il pas ?»« Il s'habille et va venir. Si tu as froid, entre et viens te réchauffer. Non, non, merci, envoie-moi ton fils. » La porte s'ouvrit. Un jeune homme s'avança, tenant à la main un grand bâton, avec lequel il sondait de côté d'autre la neige qui couvrait le chemin. « Quelle heure est-il ? » dit Vladimir. « Le jour va paraître bientôt, » répondit le paysan. Vladimir resta muet. Lorsqu'ils arrivèrent à Jadrino, le jour commençait à poindre et les coqs chantaient. L'église était fermée. Le jeune enseigne paya son guide et courut à la maison du prêtre. Quelle nouvelle allait-il apprendre ? Mais retournons aux bons habitants de Nenaradovo et voyons ce qui se passe dans leur demeure. Les parents de Marie entrèrent le matin dans la salle à manger. La théière fut apportée sur la table et le père envoya demander par un domestique des nouvelles de la santé de la jeune fille. Le domestique remit annoncer que Mademoiselle Marie avait mal dormi, mais qu'elle se trouvait mieux et qu'elle allait descendre. Un instant après, elle entra dans la chambre et s'avança vers ses parents pour leur baiser la main. « Comment te trouves-tu, mon enfant ? » dit le père. « Je suis mieux, » répondit Marie. « C'est sans doute la chaleur du poêle qui l'aura indisposée hier, peut-être. » Le soir, Marie tomba malade. Le médecin qu'on envoya chercher en toute hâte déclara qu'elle avait la fièvre. Et pendant plus de 15 jours, la jeune fille fut, pour ainsi dire, aux portes du tombeau. Personne dans la maison ne connaissait la résolution qu'elle avait prise de fuir la maison de son père. Les lettres qu'elle avait écrites, elle les avait brûlées. Sa femme de chambre avait gardé sur toute cette aventure un silence profond. Le prêtre et les témoins de Vladimir avaient été aussi fort discrets et par de bons motifs. Enfin, le cocher lui-même n'avait pas trop parlé dans les cabarets. Ce secret fut ainsi fidèlement gardé par une demi-douzaine de complices. Mais Marie le trahit dans ses accès de fièvre. Elle dit des choses si étranges que sa mère, assise au chevet de son lit, la crut profondément éprise de Vladimir et attribua à l'excès de cet amour la maladie de son enfant. Elle en parla à son mari et à quelques amis qui déclarèrent qu'il ne fallait point désoler plus longtemps la jeune fille et qu'après tout la pauvreté de celui qu'elle aimait n'était point un vice si condamnable. Lorsqu'elle commença à reprendre ses forces, ses parents résolurent d'écrire à Vladimir et de lui annoncer qu'ils donnaient leur consentement à son mariage avec leur fille. Quelle fut leur surprise en recevant de lui une lettre incompréhensible, où il leur disait que jamais il ne remettrait les pieds dans leur demeure et que son unique espérance était de mourir. Quelques jours après, ils apprirent qu'il était parti pour l'armée, c'était en 1812. Pendant longtemps, on osa faire connaître cette nouvelle à Marie. Elle-même ne parlait jamais de Vladimir. Mais un jour, elle trouva son nom parmi les noms de ceux qui s'étaient distingués à la bataille de Borodino et qui avaient été gravement blessés. Elle s'évanouit en lisant ces détails. Heureusement, cet accident n'eut pas de suite. Quelque temps après, son père mourut. Il lui laissa une grande fortune qui ne put la consoler de cette perte douloureuse. Elle abandonna avec sa mère la demeure qui leur rappelait de trop pénibles souvenirs et se retira dans un autre gouvernement. Là, sa jeunesse et sa fortune attirèrent de nouveaux prétendants, mais elle ne donna à aucun d'eux la moindre espérance. Sa mère l'engageait cependant à se choisir un époux. Marie alors secouait la tête d'un air triste et ne répondait rien. Vladimir était mort. Sa mémoire semblait être sacrée pour Marie. Elle conserva avec soin tout ce qu'elle avait reçu de lui, morceaux de musique, vers et dessins. Tout le monde s'étonnait d'une telle constance et attendait impatiemment celui qui devait vaincre la fidélité de cette nouvelle Artémise. La guerre venait de se terminer glorieusement. Nos soldats rentraient en triomphe dans leur foyer au milieu d'une foule enthousiaste de leur succès et empressée de les voir. De tous côtés résonnaient des fanfares militaires. Les officiers qu'on avait vus partir tout jeunes pour les camps revenaient avec une figure virile et la poitrine couverte de décorations. Les femmes russes étaient en ce moment-là incomparables. Leur froideur habituelle avait fait place à une véritable exaltation. Ils saluaient avec des cris de joie les bataillons qui entraient dans les villes au bruit des trompettes, les étendards déployés. Marie ne fut pas témoin des fêtes solennelles qui animaient alors les grandes villes. Mais il n'y avait pas moins d'enthousiasme dans les bourgs et les villages. Là, l'arrivée d'un officier était un grand événement. On le recevait en triomphe, et c'était à qui lui donnerait le plus éclatant témoignage de sympathie. Nous avons déjà dit que Marie, malgré sa froideur, était entourée de prétendants. Mais ils durent tous abdiquer leur ambition. Lorsqu'on vit venir de la demeure de la jeune fille, un colonel de hussards nommé Burmin, qui portait la croix de Saint-Georges à sa boutonnière et avait, au dire des femmes du district, une pâleur intéressante. C'était un homme de 26 ans environ, qui venait dans ses propriétés voisines du domaine de Marie pour se reposer de ses fatigues et se guérir de ses blessures. La jeune fille le traita avec une distinction particulière. Auprès de lui, elle n'était point silencieuse et réservée comme elle l'était avant tout autre. Il eût été injuste de dire qu'elle exerçait sur lui quelque coquetterie. Mais le poète, remarquant sa conduite, aurait eu le droit de demander « C'est amore non è, che dunque è quel ?» Burmin était réellement un aimable jeune homme doué précisément des qualités d'esprit qui plaisaient le plus aux femmes. Sa conduite envers Marie était simple et sans contrainte, mais ses yeux et son âme semblaient la suivre dans tous ses mouvements et s'attacher à toutes ses paroles. Il paraissait être d'un caractère paisible et réservé. Cependant, on assurait qu'il avait vécu jadis d'une vie assez étourdie, et cette assertion ne lui faisait aucun tort dans l'esprit de Marie, disposée comme toutes les femmes à pardonner les étourderies qui annoncent un caractère ardent. Ce qui intéressait Marie, ce n'était pas seulement la conversation attrayante du jeune officier, sa pâleur, ses blessures, c'était surtout son silence. Elle ne pouvait se dissimuler que cet homme lui plaisait beaucoup, et avec sa perspicacité et son expérience, il devait avoir remarqué l'effet qu'il produisait. Pourquoi donc ne s'était-il pas encore jeté aux pieds de Marie pour lui faire l'aveu de son amour? Quel motif le retenait? Était-ce cette timidité inséparable du véritable amour, ou la coquetterie d'un galant habile? Après y avoir longtemps réfléchi, elle se dit qu'une telle réserve ne pouvait être attribuée qu'à la timidité, et résolue d'encourager elle-même le jeune homme par ses prévenances. Elle entrevoyait déjà dans sa pensée les incidents les plus romanesques, et en attendait avec impatience le dénouement. Ses ruses de guerre eurent tout le succès qu'elle désirait. Burmin devint de plus en plus sérieux, et ses yeux noirs se fixaient sur Marie avec une telle ardeur que le moment décisif ne pouvait être loin. Les voisins parlaient du mariage de la jeune fille comme d'une affaire décidée, et sa mère s'en réjouissait. Un jour qu'elle était assise toute seule dans sa chambre, très occupée à chercher l'avenir dans les cartes, Burmin entra et demanda où était Marie. « Elle est dans le jardin, » répondit la mère. « Allez la rejoindre, je vous attends ici. » Burmin descendit au jardin et la bonne mère se disait, en le voyant aller, « J'espère qu'aujourd'hui tout se décidera. » Burmin trouva Marie assise auprès d'une pièce d'eau, un livre à la main, comme une vraie héroïne de roman. Après lui avoir adressé quelques mots, la jeune fille suspendit elle-même l'entretien afin d'embarrasser le jeune officier et d'arriver plus promptement à une explication. En effet, Burmin, ne sachant comment reprendre son attitude ordinaire, déclara à Marie qu'il cherchait depuis longtemps une occasion de lui ouvrir son cœur, et qu'il la priait de vouloir bien lui accorder quelques minutes d'entretien. Marie ferma son livre et baissa les yeux. « Je vous aime, » dit Burmin. « Je vous aime avec passion. » La jeune fille rougit et pencha la tête un peu plus bas. « J'ai commis une grande imprudence, en me laissant aller à la douce habitude de vous voir et de vous entendre chaque jour. Maintenant, je ne puis plus résister à ma destinée. Votre souvenir, votre image adorée, fera le tourment et la joie de ma vie. Il me reste cependant un grand devoir à remplir. Il faut que je vous révèle un secret fatal qui établit entre nous une barrière infranchissable. » Marie le regarda d'un air stupéfait. « Je suis mariée, » reprit Burmin, « mariée depuis plus de 3 ans. Et je ne sais qui est ma femme, où elle est, et si jamais, je la reverrai. » « Que dites-vous ? » s'écria Marie. « Quelle étrange chose ! Continuez, je vous en prie. Je vous raconterai ensuite ce qui m'est arrivé, mais parlez. » Au commencement de l'année 1812, reprit Burmin, je m'en allais rejoindre mon régiment à Vilna. En arrivant un soir très tard au relais, je demandai qu'on attelât sur le champ les chevaux. Au même instant, il s'éleva un tourbillon de neige terrible. Le maître de poste et ses gens me conseillèrent d'attendre. Je me rendis d'abord à leur avis, puis impatient de continuer ma route, je voulus tout braver et je partis. Le postillon, pour abréger la route de quelques verstes, voulut traverser une rivière couverte de glace. Il se trompa de chemin, et bientôt nous nous trouvâmes dans une plaine qu'il ne reconnaissait pas. Je vis de loin briller une lumière et lui ordonnai de se diriger de ce côté. Nous arrivâmes dans un village où je vis l'église éclairée, les portes ouvertes, et quelques traîneaux devant lesquels se promenaient plusieurs personnes. « Par ici, par ici !» s'écrièrent quelques voix. J'avançai. « Au nom du ciel !» me dit un inconnu. « Pourquoi donc es-tu si en retard ?» La fiancée s'est évanouie. Le prêtre ne sait ce qu'il doit faire, et nous allions nous retirer. Allons, hâte-toi ! Je descendis de ma kibitka, enveloppé dans mon manteau, et j'entrai dans l'église. Une jeune fille était assise dans l'obscurité sur un banc. Une autre, debout devant elle, lui frappait les tempes. « Dieu soit loué !» dit celle-ci. « Vous voilà enfin !»« Ma pauvre maîtresse allait mourir !» Le prêtre s'approcha de moi et me dit « Voulez-vous que je commence ?»« Oui, » lui répondis-je, l'esprit distrait. On aida la jeune fille malade à se relever. Elle me parut assez belle. Une légèreté incompréhensible et impardonnable m'entraîna. Je m'avançai vers l'autel. Le prêtre fit quelques pas. Les témoins et la femme de chambre n'étaient occupés que de la jeune fille. Un instant après, nous étions mariés. « Embrassez-vous, » nous dit-on. Ma femme tourna vers moi son visage pâle. Je voulus l'embrasser. « Grand Dieu !» s'écria-t-elle. « Ce n'est pas lui !» Il tomba évanoui. Les témoins me regardèrent d'un air effaré. Je sortis de l'église. Je remontai dans ma voiture et m'éloignai en toute hâte. « Dieu du ciel !» dit Marie. « Et vous ne savez pas ce qu'est devenue votre femme ?»« Je ne sais pas même, » reprit Burmine, « le nom du village où cette cérémonie s'est faite. » J'attachai alors si peu d'importance à ce sacrilège que je m'endormis peu d'instants après être sorti de l'église et que je ne me réveillai que le lendemain matin à 3 relais plus loin. Le domestique qui m'accompagnait mourut pendant la campagne. Ainsi, il ne me reste nul espoir de retrouver la pauvre fille envers laquelle je me suis rendu si follement coupable et qui se venge si cruellement aujourd'hui. « Dieu, Dieu !» s'écria Marie en lui prenant la main. « C'était donc vous. Et vous ne me reconnaissez pas. » Burmine pâlit et se jeta aux pieds de sa femme. Ainsi s'achève le tourbillon de neige par Alexandre Pouchkine.